Rooks du Rock FM, ça fait du bien, par où ça passe. Rooks du Rock FM, Rooks du Rock FM, par où ça passe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle tombola. Vous êtes contents ou vous n'êtes pas contents? Ah, c'est super! Eh bien, comme la dernière fois, nous avons des lots super! Nous avons des lots, mais vraiment, on s'est pas foutu de votre gueule. Moi, je vous le dis, on s'est pas foutu de votre gueule. J'espère que vous avez tous pris vos tickets. Si vous les avez pas tous pris, c'est pas grave. Il y aura un deuxième moment de tombola dans la soirée. Et ça va être vraiment, vraiment super bien. Si vous pouviez donner un tonnerre d'applaudissements pour la birthday girl. Ophélie, merci. Un petit mot ? Merci à vous. Ah, voilà. Ok. Alors, c'est parti ! Sans plus d'attente, le premier lot. Si c'est... Quoi ? Oui. Non, justement, on ouvrait avec ce lot-là. Eh bien, le premier lot est magnifique. Je vais demander à mon assistante Ophélie, la coquine. Ophélie, montrez-nous cette magnifique pochette. Il s'agit d'une pochette Thierry Mugler. Thierry Mugler. Une belle pochette Thierry Mugler. Ophélie, qu'y a-t-il à l'intérieur? Pouvez-vous vous montrer les premières choses qui sont à l'intérieur? Parce qu'évidemment, cette petite pochette n'est pas vide. Alors, le premier objet que nous pouvons trouver dans cette pochette, c'est un gel hydroalcoolique. Un magnifique gel hydroalcoolique, parce que nous vous rappelons que nous sommes en pleine épidémie de Covid-19. Alors, ils sont bons? Voilà, c'est du vrai gel pour vous nettoyer les mains et pour être Covid-free. Accompagné de ce gel hydroalcoolique, nous avons évidemment un lot de masques. Voilà. Deux magnifiques masques que vous pourrez utiliser. Vous voyez, ils sont bien emballés. Il y en a deux, j'en ai rajouté un autre. Et oui, il y a deux masques. C'est super, c'est magnifique. Ce sont des masques pour évidemment protéger vos proches et vous-même également de cette épidémie tragique. Il s'agit donc du lot Covid. Quel magnifique lot! Vous pourrez évidemment aller dans des parties, outre-manche, les parties. Vous pourrez aller en fête, vous pourrez festoyer tout avec votre petit sac. Évidemment, c'est discret, c'est passe-partout. Voilà, vous pouvez les mettre sous le bras. C'est magnifique. Eh bien, nous allons passer au premier lot. Alors, Ophélie, vous avez la main innocente. Vous allez piocher, attention. Et le kit Covid est attribué à... Tata Lolo. Bravo Tata Lolo. Elle gagne ce kit Covid qui lui sera bien pratique dans son travail, évidemment, pour protéger sa santé et la santé des autres. Un petit mot, Laura, vous êtes contente? Moi, je suis super contente, Je vais pouvoir laver les croûtes de fromage avec le gel. Et après, je les mange quand même. C'est super. Et bravo, on la félicite. Bravo, bravo, bravo. Évidemment, les gestes barrières. Les gestes barrières. Bravo, Tata Lolo. Eh bien, nous passons tout de suite à un deuxième lot. Ophélie, qu'est-ce que ça va être comme deuxième lot? Je sens que le prochain lot va vous ravir, vraiment, vous allez tous être super contents puisque, évidemment, il s'agit... Ophélie, de quoi s'agit-il? C'est une bouteille de roncier. Super, j'ai l'impression que vous êtes super contents pour cette bouteille de roncier. Écoutez, trêve de bavardage, vous connaissez tous le roncier, ceux qui ne le connaissaient pas, je vous invite à le découvrir parce que franchement... Le roncier accompagnera aussi bien les viandes que les poissons. Un petit vin de table, hein, ma foi, très banal. Alors, qui va être le chanceux à avoir cette magnifique bouteille de roncier? On se demande. Attention, chacun croise. Je sens que vous croisez tous les doigts. Alors, Ophélie, attention, qui a gagné le kit roncier? C'est Margal qui n'est pas avec nous. Mais qui recevra ce prix Le lauréat n'étant pas là, l'Académie remettra à qui de droit? À l'issue de la cérémonie. On va le donner à Typhon qui le donnera à Margala. Bravo. Si elle nous écoute, j'espère qu'elle est vraiment super contente. Alors, nous avons évidemment d'autres lots. Oui, tout à fait. Attention, nouvelle règle. Nouvelle règle. Et oui, dans cette tombola, nous ne cessons de nous réinventer, puisque nous piochons des idées par-ci, par-là, et notamment cette idée-là, je remets à César ce qui appartient à César, Léo Boiteau, qui nous a donné ce super idée pour mixer un petit peu juste prix et tombola, hein, finalement. Donc, le premier, le lot que nous allons vous présenter pourra être éventuellement échangé pour un lot mystère. Voilà. Si vous avez l'âme joyeuse aussi, hein, ça marche évidemment. Si vous avez l'âme joueuse, et vous pourrez remettre votre lot en jeu. Attention, ça peut être un lot super nul, comme ça peut être un lot super bien. Voilà. C'est le risque, hein. C'est le risque. Non, faut pas deviner le prix. Alors, Ophélie, quel est le lot? Montrez-le-nous. Oh, il s'agit d'un kit à café, évidemment. Voilà, pour... pour inviter, pour vos invités, pour boire le café, des petites tasses à café avec les petites soucoupes à café, c'est magnifique. Vous pourrez inviter des amis, évidemment. Il y a combien de tasses, Ophélie? Dites-nous. Il y en a quatre. Vous pouvez inviter quatre amis à boire le café ou à boire le thé. Vous pouvez être quatre en tout à boire une boisson chaude. Voilà. En tout cas, vous avez les soucoupes qui vont avec. C'est magnifique, vraiment. Voilà, les sous-tasses, tout ça, c'est super. Alors... Ophélie, la main innocente, qui va gagner cette magnifique ensemble service à café? Service à café en grès, c'est écrit, 4 tasses et 4 sous-tasses, ça vient de Stylea. C'est magnifique. Là, je sens bien que, voilà, il y a des... Alors, qui a gagné ce magnifique ensemble de café? Typhon, félicitations. Bravo Typhon, alors Typhon, attention! Si vous êtes joueuse, est-ce que... vous voulez repartir ce soir avec ce magnifique service à café. 4 soucoupes, 4 tasses. Attention. Ou alors, vous préférez choisir le rideau et de savoir et trouver peut-être... Typhon, dites-nous, qu'est-ce que vous choisissez? Je crois que je vais prendre le rideau. Elle a dit le rideau. Elle remet le service à café en jeu. On piochera tout à l'heure, peut-être quelqu'un l'aura. Alors attention. Vous avez décidé d'échanger votre service à café contre une magnifique bouteille de rosier. C'est incroyable, c'est incroyable. La famille Véron a gagné 2 bouteilles de Roncier, c'est magnifique. Oh là là, les émotions que ça procure ce jeu, c'est incroyable. Il fait chaud, hein? Le service à café est remis en jeu. Et donc, alors, qui va gagner ce service à café, hein, que Typhon a remis en jeu? Qui va pouvoir inviter ses amis auprès d'une bonne petite tasse de café ou de thé ou de chocolat chaud? Alors, qui a gagné, Ophélie? Tata Lolo. Oh! Eh bien, dis donc! C'est incroyable! C'est incroyable! Tata Lolo! Lolo! Alors, Tata Lolo, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous avez hâte d'inviter des gens pour boire du café? Je suis très émue. Ça se voit, magnifique! Magnifique. Et c'est pas magnifique ou c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Eh, ils sont quatre colocataires et il y a 4 tasses. C'est super. Elle va pouvoir boire une petite tasse de café avec ses collègues. Avec ses... Bravo, Tata Lolo. Alors, attention, le prochain lot est un lot exceptionnel. Vraiment, c'est magnifique puisque c'est un lot d'une qualité, je vous le dis, on s'est pas foutu de votre gueule. Ah, on s'est pas foutu de votre gueule. Il y a beaucoup de choses dans ce lot. Ophélie? Alors, ceci est le lot, le kit apéritif. Et oui, tout d'abord, ouais, on vous met en contexte. Vous invitez des gens à manger chez vous, par exemple, et c'est l'heure de l'apéritif. Et vous ne savez pas quoi faire. Alors, déjà, premièrement, il se peut que vous avez peut-être du whisky dans votre cave. Et vous n'avez pas de carafe. Une magnifique carafe. Regardez comment c'est beau. C'est quand même un peu plus classe que d'avoir la bouteille de Jack Daniel's directement sur la table. Là, vous mettez ça dans une petite carafe. C'est magnifique. Si vous voulez quelque chose de plus original, puisque nous, à l'étarderie, nous aimons les choses qui sont locales, les choses qui sont faites maison, les homemade, comme on dit, outre-Atlantique, DIY, do it yourself, eh bien, il s'agit d'un super apéritif fait par Papy Joseph, en effet, de l'absinthe. Eh oui, pardi, on s'est pas foutu de votre gueule, on vous l'a dit. C'est un breuvage vraiment exceptionnel qui est vraiment très, très bon. Regardez cette belle couleur verte. Attention, évidemment, nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération, évidemment. Et surtout, pensez à nous inviter quand vous l'ouvrirez parce que c'est super bon, vraiment super. Et évidemment, ce n'est pas fini puisque qui dit apéritif dit bonne ambiance, évidemment. Ah oui, évidemment. Une fois que vous avez mis ça dans des petits verres, vous avez des super, super dessous de verre en tissu. Regardez comme c'est magnifique. De toutes les couleurs, plein de couleurs, c'est super beau. Voilà, imaginez-vous, vous êtes en train de prendre l'apéritif, un petit verre d'absinthe sur ce magnifique dessous de verre. C'est plein de couleurs, c'est joyeux, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance, c'est super. Et en plus de ça, vous êtes bien déjà, là on est bien. Mais vous rajoutez évidemment, pour accentuer la bonne ambiance et la convivialité, un super jeu sur le Lot-et-Garonne. L'apéro jeu Lot-et-Garonnais, 42 cartes à jouer, 170 questions sur le Lot-et-Garonne. Évidemment, un exemple Ophélie, s'il vous plaît, je vous tiens ça. Un exemple s'il vous plaît, deux questions auxquelles vous pouvez jouer en famille. J'espère que vous connaissez tous le Lot-et-Garonne, évidemment, le 47. Merci José. Ophélie, tire une carte. Alors, Michel Polnareff, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Michel Polnareff. Voilà, où est né Michel Polnareff? Évidemment, mais où, au Lot-et-Garonne, pardi? Eh bien, pour votre information, Michel Polnareff, il est né en Irak. Eh oui. Ophélie, une question. Une question. C'est écrit en jaune, blanc sur jaune, c'est pas très facile à lire. La bourriou, autrefois, à votre avis, c'était quoi? Petit A, un fruit. Petit B, un raisin. Petit C, un légume. Petit D, un cépage. Cépage? Bravo! Ça mérite un lot, mais alors qu'est-ce qu'on a? Là, on n'a rien, mais tout à l'heure, on trouvera quelque chose. Mais c'est super, bravo, j'espère, Pascal, c'est vous qui avez gagné ce lot, parce que vraiment, vous allez vous amuser, je vous le dis. En plus, vous pourrez voir sur le paquet que les deux créateurs de ce jeu ont l'air vraiment de péter la forme. Alors, attention, puisque ce lot est magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais ce lot peut être remis en jeu. Eh oui! Et si vous aimez le goût du risque, ce lot, magnifique lot apéritif, je vous le rappelle, peut être remis en jeu pour un prix mystère. Alors, qui a gagné ce magnifique jeu? Je vous rappelle qu'il y a de l'absinthe de Papy Joseph quand même. Mais après, il y a le goût du risque. Eh, on sait pas, on se fout pas de votre gueule. Peut-être qu'il y a mieux d'ailleurs. Peut-être que non. Peut-être que si. On ne sait pas. Alors, qui a gagné ce kit apéritif, Ophélie? Louisang. Eh, Louisang, qui dit qu'elle ne gagne jamais rien, elle a gagné. Alors, Louisang, est-ce que vous voulez le remettre en jeu? Est-ce que vous voulez le remettre en jeu pour un long mystère? Ou est-ce que vous voulez garder? Vous ne pouvez pas. Et non, c'est pas le jeu. Attention, ne vous inquiétez pas, si Louison choisit de garder ce lot, tout à l'heure, il y aura encore les lots mystères. elle garde et elle fait... Elle garde et en effet, elle a peut-être raison car... Ah non, non, non, pour après, vous ne pouvez pas regarder. On vous dira ce soir. Eh, on la connaît, la coquine. Alors, un petit mot, vous êtes contente ? Je suis ravie, hein, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a. Eh ben, on vous dira tout à l'heure, on vous dira plus tard. Dernier lot de cette première partie. C'est le dernier. C'est quoi ? On le fait vraiment gagner ? Bah oui. Eh bien, donc, on va mettre en jeu le lot mystère. Et oui, et donc on ne le dit pas, qu'est-ce que c'est ? Non. Allez, et ben on met en jeu le lot mystère. On va voir du coup ce contre quoi Louison aurait pu trouver ce lot mystère. Attention, parce que celui-là, vous ne savez pas ce que c'est. Alors attention, qui c'est qui va gagner un lot mystérieux ? Léo Boiteau. Alors attendez, restez assis Léo. J'espère que vous êtes prêts, parce que vous allez pouvoir voir vraiment bien qu'est-ce que vous avez gagné. C'est un lot qui est mystérieux. Attention, Ophélie, vous êtes prête ? 3, 2, 1, lot mystère. Voici une magnifique orange, de la couleur orange. C'est des vitamines. Mangez-les, c'est une très belle orange. Bravo, vous êtes contents ? Bah, je suis très content, l'orange c'est le fruit de l'amour, de la beauté, de la vie. Tout à fait, et en plus personne ne l'a volé celle-là, heureusement on est safe. Personne ne l'a volé, hein. Elle est pour toi, elle est cadeau. Ah, super. Eh bien merci Ophélie, merci à tous, c'était la première partie de la Tombola. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours acheter vos tickets auprès de Louison, hein, qui a encore des tickets. Les autres évidemment seront remis en jeu et il y a encore plusieurs lots tout à l'heure que vous pourrez gagner. Et oui, il y aura encore le rideau puisque c'est le nouveau jeu de cette tombola. Merci à tous.